Bonsoir chers auditrices et auditeurs de Canal B, ravi de vous retrouver. Et voyez, on ne vous laisse pas tomber pendant ce mois de juillet. Il n'y a pas de raison non plus que l'asile ne se tienne pas à la mi-juillet. Donc émission pénultième de la saison 2016-2017 avant la rentrée prochaine. Petit mois de break, pénultième émission. On en fera encore une dernière en direct. Puis on vous préparera des petites sélections comme de juste pour bien passer l'été en notre compagnie. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver des sélections à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr avec 184 émissions au compteur qui sont disponibles sur cette même plateforme. Et cette semaine, on va attaquer avec un disque qu'on vous a proposé déjà la semaine dernière parce que franchement, il n'y a pas. Ce disque est vraiment une vraie tuerie. Il s'agit de celui du guitariste Brandon Seabrook, son deuxième opus en date qui est sorti comme le précédent sur l'excellente étiquette new-yorkaise, si je ne m'abuse, New Atlantis Records. Il s'intitule Dit Tromeleu Fatal avec deux batteurs sur ce projet, également de l'électronique, de la voix, du violoncelle, de la basse et Brandon Seabrook bien évidemment à la guitare, lui qui fait partie de pas mal de formations du jazz free et contemporain américain qui tend aussi vers un certain free rock, notamment au sein des projets de monsieur Peter Evans ou encore le Seabrook Power Plant ainsi que le CP Unit. On va écouter deux titres enchaînés de cet excellent disque de monsieur Seabrook dit Trommel Fataleux, et donc c'est une suite, rien que moins qu'une suite, qui se trouve à peu près au milieu de cet album. Je vous avais passé deux autres extraits la semaine dernière, le début et plutôt la fin, et cette fois-ci, on va écouter le milieu. On écoute The Greatest Bile par monsieur Brandon Seabrook. We'll be right back. capsizing, holocaust, radioactivity, excessive telephoning, extension cords, murder, bloodshed, mayhem, drowning in the bathtub, airplanes, the collective unconscious, leaders, followers, and lawmakers, debutantes, miss, remembering the good old days, take the trick, argumentation, sinks, politburos, and the new world order, orchestrations, and cover-ups. Michelangelo painted the frame of this poem in poetry's a chapel or brothel. Who will say he is the holy sex worker of language, or baseball, football, basketball, and bankruptcy? Cheerleaders kill superheroes and swashbucklers. Instigators are standing by. Bystanders die in tense exchanges, remanded reports, to and paper shuffling. The excessive function of gender and sexuality, and male strippers or the satyricon. Greco-Romans consider the labradoodler genetics and monopolies, cartels, business as usual. They have become white. Séquence de jazz matinée de Rock Noise qui avoine dans les îles sur séquence assez fleuve avec deux titres enchaînés de cet excellent opus de monsieur Brandon Seabrook dit Trommeleux Fataleux qui est extrait de son nouvel opus sur l'étiquette New Atlantis Records qui n'est pas du tout originaire de New York contrairement au guitariste susmentionné mais de Yellow Springs dans l'Ohio. Excellent disque sur lequel on entendait les vocaux qui faisaient limite flipper de monsieur Chuck Bettis, musicien qui a accompagné notamment à peu près tout ce qui a pu se faire dans la noise américaine et notamment new-yorkaise, notamment Nautical Almanac, les Yellow Swans, Carlos Giffoni, quelqu'un qui a aussi joué pas mal aux côtés de John Zorn, de Fred Friss, d'Afri Rampo, pour ne citer que cela qui faisait de l'électronique sur cet album et aussi ses vocaux assez torturés et donc un disque vraiment brillantissime qui vient de sortir un peu avant l'été qui était enchaîné avec un autre disque du printemps. Il s'agit de celui de l'oboïste et aussi compositeur, on pourrait dire monsieur Kyle Bruxman qu'on a pu rencontrer dans pas mal de choses aux côtés d'à peu près dans tout ce qui peut bouger dans les musiques un peu avant-garde aux États-Unis, notamment aux côtés de Olivia Bloch pour un disque qui était sorti il y a ça quelques années, et puis en compagnie de quantité de musiciens plutôt de la côte ouest des États-Unis, puisqu'il est originaire de Californie, d'Oakland très exactement, notamment aux côtés de Fred Lomberg-Holm, de Jeff Bishop, Michael Zerang, Scott Rosenberg aussi, excellent saxophoniste, etc., etc. Et donc là, un double album qu'on retrouve sur l'étiquette Note 2 polonaise, double CD sous le titre Dear Everyone, qui est un double sur lequel on retrouve différentes compositions. Ça doit être joué en concert, en tout cas je sais que ça s'est produit en concert, ce projet Dégradient, sur lequel on le retrouve aux côtés du saxophoniste Aram Chelton, du guitariste basse Jason Hopes et du percussionniste Jordan Glenn, et de quantité de lecteurs, il y en a 99 au total sur ces deux opus, ces deux CD, et notamment la participation par exemple de Eugène S. Robinson pour des textes qui proviennent de l'anthologie qui a donné le nom à ce disque, Dear Everyone, des extraits donc des textes de monsieur Matt Cheers, que je ne connais pas du tout, et donc un très très bon disque de Kyle Bruckman que j'ai écouté vraiment en boucle les jours derniers, ce projet Dégradient. Kyle Bruckman qu'on a écouté aussi récemment aux côtés du Rova Saxophone Quartet et de Henry Kaiser sur un disque qui était sorti aux éditions Clean Feed. Voilà, donc ça c'était pour la séquence de démarrage pour le décollage de l'asile, et on va continuer de manière nettement plus calme, alors que je me fais attaquer par les mouches du studio, avec la musique de monsieur Aveter, le fameux Aveter de Animal Collective, qui est de retour en ce mois de juillet avec un nouvel opus. Il n'avait pas sorti de disque sous son nom, cet homme-là, depuis à peu près le temps où Potrax produisait des disques, c'est-à-dire vers la fin des années 2000. Il avait sorti un disque sous le titre Down There, et depuis plutôt des collaborations, comme toujours, notamment aux côtés de son camarade de Animal Collective, The Geologist, lui qui a collaboré aussi à côté de Panda Bear, bien évidemment, autre membre éminent du collectif Animal. Et Aveter, c'est monsieur David Michael Portner, et ce disque qui s'intitule Eucalyptus nous fait revenir quasiment aux grandes heures de Animal Collective des années début et milieu des années 2000, l'époque par exemple du disque Spirit There Gone, Spirit There Vanished, et on y retrouve pas mal de beaux mondes, notamment la participation de l'arrangeur et aussi joueur de violon Eivin Kang de Secret Chief 3, pour ne citer que celui-là. Je vous propose d'écouter deux titres de cet excellent Eucalyptus de monsieur Aveter, et une séquence qu'on va dédier d'ailleurs à notre camarade Véronique. Voilà, on écoute Aveter dans l'asile le plus sûr. Guide me. thriving, now we've thriving. Can't wait. And the wind can't. musique sirotée, bien calée dans son hamac à l'écoute du 94 MHz. On a démarré avec deux extraits de Eucalyptus, cet excellent nouvel opus de Monsieur David Portner, alias Aveter, qui va sortir dans quelques jours. C'est programmé pour le 21 juillet aux éditions Domino. Je crois qu'il y a une version d'ailleurs deluxe avec un livret de 16 pages de différentes iconographies de Page Cleveland qui fait partie de Rule of Three Studio. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est cette personne. En tout cas, c'est assez prometteur. Les visuels qui doivent accompagner cet album qui a été pensé par Aveter dans sa chambre de Los Angeles et développé au cours de plusieurs nuits en Californie dans la région de Big Sur. Excellent disque de musique ambiante folk, on ne sait pas trop comment appeler ça, de Aveter. Ça nous ramène pas mal en arrière à l'époque des débuts de son groupe Animal Collective et aussi à la préhistoire de l'Asie le plus sûr, à l'époque où on vous faisait des spéciales sur cette formation. Je vous avouerai que j'ai un petit peu décroché au niveau de leur dernière production, en tout cas celle de Monsieur Aveter est vraiment très très enthousiasmante, peut-être aussi grâce aux participations de ses invités, notamment Josh Dibb alias Deakin, son acolyte d'Animal Collective, ou encore Angel Deradurian, Jessica Kenney et bien évidemment Eving Kang. Et on a enchaîné avec la musique pour musarder à souhait de Monsieur Mike Cooper, guitariste britannique de légende, puisqu'il a démarré à la fin des années 60 plutôt dans le blues folk, avec pas mal de disques qui étaient sortis au début des années 70. Il a une carrière vraiment pléthorique. Il a sorti, je pense, au bas mot 60 disques sous son nom, toujours dans les musiques plutôt de croisement entre un certain blues folk, matinée de guitare hawaïenne, et aussi d'électronique ces dernières années, sorte de musique au croisement de Jacinto Scalzi, de Fenech, de Black Dice et autres guitaristes du Delta Blues, pour ne citer que cela au niveau de ses influences. Toujours une sorte de mélange entre de la pedal steel jouée avec pas mal de boîtes à effets et aussi passée dans le prisme de l'électronique. Et donc dans ce registre, il sort depuis quelques années des disques d'ambiante electronica un peu exotique. Voilà, ça fait pas mal penser à une sorte de musique hawaïenne fantasmée, la musique de Mike Cooper. Il a sorti quantité d'albums ces dernières années, à peu près au rythme de 3 à 4 chaque année, notamment aux éditions Discrépantes. Celui-ci s'intitule Raft et vient de sortir aux éditions Room 40, et c'est tout tout frais d'ailleurs, cette production de l'excellent label australien de Monsieur Lawrence English, qui avait déjà consacré un autre disque à la musique de Monsieur Mike Cooper. Ça s'intitulait Fratello Mare, mais celui-ci est vraiment un cran au-dessus, une musique qui lui a été inspirée d'ailleurs par ses pérégrinations du côté des rivières en Angleterre, et notamment quand il avait une dizaine, quinzaine d'années et qu'il avait été initié à l'art de fabriquer des raffios par un de ses camarades, Jim, à qui ce disque d'ailleurs est dédié, monsieur Jim Sale. Et c'est à l'époque où il habitait du côté de Reading. Alors, je pense qu'il a vécu à peu près un peu partout dans le monde, cet homme-là, et notamment évidemment dans différentes îles. Et donc un très très bon disque aux éditions Room 40 de Mike Cooper, ça s'intitule Raft. Si vous intéressez à la musique du monsieur, il y a différents disques qui sont sortis également aux éditions Discrépantes, ID, Intermedia, Backwards, No Fire Records, recordings et tutti quanti, sans compter bien évidemment ses propres productions. Lui qui sort aussi à rythme assez soutenu des disques sous sa propre marque Hip Shot Records. Voilà, on va continuer l'asile avec totalement autre chose une fois encore. Et cette fois-ci, ça va être plutôt une musique de croisement avec différents musiciens allemands, notamment Monsieur Holger Mertin, percussionniste de son état, qu'on avait rencontré il y a de ça quelques années en compagnie de Jackie Liebzeit. Ils avaient sorti ensemble un disque aux éditions Stop Gold et vient de sortir un disque qui réunit plusieurs de ses acolytes, notamment Marco Riederer, qui est le producteur sonore qui arrange et qui fait pas mal de traitements audio de ses camarades, notamment Michael Coco Eberli, qui lui joue du Moog Voyager, tout un programme. Et il y a aussi la propre compagne de Monsieur Mertin, Justina Nismik, qui joue du violon. Le disque s'intitule The Immersive Project, et c'est vrai que le titre est vraiment très très bien trouvé. C'est sorti en coproduction entre le label Special Material Records et Stop Gold, le fameux label allemand expatrié du côté de Perpignan. On va écouter le titre Pizzficato, extrait de ce disque, sur lequel on retrouve d'ailleurs aussi Monsieur Eberhard Kranemann, alias Fritz Müller, qui fit partie notamment des premières formations de rock allemand vers 1967-68, et notamment son fameux groupe Peace Off, qui plaisait beaucoup du côté de Berlin, et qui a fait partie aussi des premières incarnations de Kraftwerk et de Neu. D'ailleurs, il y a un autre disque qui vient de sortir aux éditions Bureau B, où on le retrouve en compagnie de Harald Grosskopf, batteur et aussi claviériste de légende, puisque lui, il a fait partie notamment de Ashra Temple et autres projets galactiques du cosmische rock allemand. Voilà, on écoute un extrait de ce Holger Mertin en compagnie de ses camarades, je ne vais pas vous les refaire tous, au sein de ce Immersive Project. Thank you. Une séquence qui est un peu sans queue ni tête, mais bon, ça fait du bien aussi, ce genre de découverte un peu décousue. On a démarré avec le nouveau projet de monsieur Holger Mertin et ses camarades sous le titre The Immersive Project, publié conjointement par Spécial Material Records, qui est une division suisse, et Stop Gold. On a enchaîné avec la musique d'une musicienne que je découvre avec joie. Il s'agit de Pan Deijing, qui est une électroacousticienne d'origine chinoise qui vit à Berlin et qui s'est illustrée précédemment par des disques, notamment un EP qui était sorti un petit peu plus tôt dans l'année aux éditions Bedouin Records, qui était plutôt dans un registre un peu électronique rythmé qui me plaît pas vraiment. Par contre, dans quelques jours, elle va faire paraître un excellent disque aux éditions de monsieur Bill Coligas, Pan Records, sous le le titre Lac. Et au vu des extraits qu'on peut écouter sur internet, c'est un disque vraiment ultra prometteur dans les musiques électroacoustiques assez chatoyantes, avec des mélanges un peu mi-instruments traditionnels, un peu asiatiques, mélangés à de l'électronique. C'est vraiment très très bon ce qu'elle va sortir dans quelques jours. Il y a deux extraits qui sont écoutables d'ailleurs sur le Bandcamp des éditions Pan Records, ou sur son propre Bandcamp ou SoundCloud. Et d'ailleurs, on écoutait aussi une session d'une heure, voilà, parce que je ne vous ai pas proposé un extrait de ce disque à paraître, toujours pas disponible, mais un extrait d'une session d'une heure sous le titre How to Become Peaceful Baby, tout un programme, donc une très très belle session qu'on peut écouter, enfin encore pour quelques jours, vu que SoundCloud n'a plus que quelques semaines ou mois apparemment à vivre. Donc si vous vous intéressez à la musique de Pan Daejeong, je vous conseille de vous ruer sur son SoundCloud, et son nom c'est Pan, en deux mots donc, et Daejeong, D-A-I-J-I-N-G. Elle avait fait partie aussi de cette excellente compilation qu'avait sortie au printemps Pan Records sous le titre Mono No Aware. Voilà, on va continuer avec là encore de la musique plutôt spirituelle, et le Rivers of Sound de monsieur Amir El Safar, trompettiste et aussi joueur de santour, vocaliste et compositeur d'origine irakienne qui vit, si je ne m'abuse, du côté de Chicago. On l'avait rencontré il y a de ça à peu près un an aux éditions P Recordings avec un live, et on le retrouve avec son grand orchestre, le Rivers of Sound Orchestra. C'est un disque qui vient de paraître là encore aux éditions polonaises Note 2, et on est vraiment avec Amir El Safar dans la pure tradition des makams moyen-orientaux, mélangés à du jazz contemporain d'excellente facture. On pense à une sorte de continuateur de la musique de Rabbi Abou Khalil. On écoute le Tchourtchourna Over 3 par le Amir El Safar Rivers Ensemble. We'll be right back. Ah, je vous avais parlé de chant à penser, effectivement une séquence vraiment de musique de trance. Tout d'abord Amir El Safar et son excellent Rivers of Sound, extrait de ce nouvel opus qui vient tout juste de voir le jour sous le nom de Not Too, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était sur le label Not Too. En fait, c'est publié par le label New Amsterdam, donc n'importe quoi. Et c'était enchaîné avec l'excellent projet tout bonnement intitulé The End, donc les régionaux de l'étape, en les personnes de Fabien Duscombe à la batterie, membre éminent notamment de Cannibal Evainé et autres projets type La Friture Moderne, basé du côté de Bordeaux, en compagnie sur ce projet The End de son camarade de bassiste Eddie Boubaker, plutôt basé lui du côté de Toulouse et alentour. Et Mathieu Verkowski est au violon, lui originaire de Grenoble, alors je ne sais pas exactement où il se situe présentement. Et ce projet The End, on les avait déjà rencontrés à la fin de l'année 2014 avec un excellent disque qui était sorti aux éditions Gaffer Records, et ils viennent de récidiver avec Closer to the Sun, publié par l'excellente marque de Caen Petit Label, un mini album, enfin un album plutôt dans une présentation ad hoc, comme fait souvent les excellentes éditions Petit Label qu'on avait rencontré avec des très très bons disques également qui étaient sortis, notamment je pense à Écarlate Bleu qu'on vous avait proposé aussi dans l'Asile le plus sûr, en tout cas donc un très très beau disque de Zien de Closer to the Sun, enregistré d'ailleurs au festival Bruisme en juin 2015. Je ne sais plus si c'est cette année-là que j'ai eu la chance de les voir en concert au festival Jazz Alluz. En tout cas, si vous avez l'occasion de les entendre par chez vous ou cet été, ruez-vous au concert de The End. On va continuer avec une formation de jazz espagnol sous le nom de Food, dans laquelle on retrouve le saxophoniste Albert Cirera, qui officie depuis pas mal d'années, notamment il a étudié le jazz aux côtés de Tony Malaby et de pas mal d'autres gens. On le rencontre souvent aussi aux côtés de Acousti Fernandez et pas mal d'autres musiciens. On l'a rencontré aussi dans l'asile d'ailleurs, je ne sais plus trop à quelle occasion. Et le batteur, c'est Ramon Prats, un petit peu moins connu en ce qui me concerne. Tous les deux, ils forment le projet Duote qui rencontre monsieur Andy Moore, guitariste éminent du groupe ZX, et pour un disque qui s'intitule Food et un CD qui vient de sortir aux éditions espagnoles Repetitor Records. Voilà, et donc le disque est vraiment très très bon, enregistré à la fin 2015 du côté de Barcelone par ces trois Lascar. On va écouter le titre It's Your Business par Duote et Andy Moore, histoire de faire un petit clin d'œil à un camarade qui les a vus, les fameux ZX, le week-end dernier. Voilà, du côté de Arles, on écoute It's Your Business. Thank you. À l'instant, là, c'est le plus sûr, une séquence de jazz free et un peu noise pour terminer l'émission avec le duo espagnol du Haut, Ramon Prats et Albert Sirera en compagnie de Andy Moore. Le disque s'intitule Food, il est sorti en CD sur Repetidor et c'était enchaîné avec un autre disque compact, cette fois-ci aux éditions Audiographic Records de Monsieur Ken van der Mark, qu'on retrouvait en compagnie de Ned Woolley à la trompette Boucher et parfois joué avec un ampli, et Jasper Statutter, ce guitariste, ex-guitariste de Cactus Truck et aussi de Spinifex, et quantité d'autres projets étaient au sein de ce quartet aux côtés de Steve Heaser à la batterie. Excellent disque de ces quatre Lascars publié par les propres éditions de Monsieur Ken van der Mark. Voilà, l'émission est quasi terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour cette fois-ci vraiment la dernière, la der avant la saison de l'année prochaine, et on va se quitter avec un disque en duo de guitaristes Norberto Lobo qu'on a rencontré notamment avec des disques aux éditions Spuma et 3-4 Records qui publie les éditions suisses 3-4 Records qui publie cette rencontre avec le guitariste d'origine canadienne Eric Chenot qu'on a rencontré notamment pour des disques aux éditions Constellation, ça s'appelle The Buyer, et on va écouter le titre qui termine cet opus, le morceau The Mess. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine, à bientôt. Thank you. Lather Up. Some salacious inventories are organizational mediations. Why lament the talisman? Consider magic in Chicago beyond the global village or cubism or futurism or militarism. All too true. Ordinarily, the flesh wound focuses the attention. I've transplanted matching pairs, emptied the attic, dust gathers at the roadshow. Nymphs lift scattering dandelion seeds. Interference just never tugged the heartstrings when the first one died. Sends blanks on positions. Impositions refract, phases gathering context. Get the picture or history repeats itself. Everything endeavors to the cadaver or leaves for posterity. The homesteaders believed or wagons, barrels, trailers, chrysanthemums, churns and corn husks or scarecrows. No further investments? The valueless demand conference calls. Privacy is untranslatable. Painting is untranslatable, being writing. Along the highway of the past truncations, deletions. Ha ha ha!